de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. C'est l'émission Hint à Brezhoneck, Pemkan Tri à Hunterkan, ce qui veut dire 553. Bonjour Henri. Bonjour Morgane. On commence par Gerriou Arvué. Oui. Et le mot aujourd'hui, ce sera. Alors, le mot aujourd'hui, c'est tant mal. Tant mal qui est à la fois un nom masculin et un verbe. Alors, c'est un nom masculin d'origine celtique, qu'on trouve également en gaélique, et qui signifie reproche, accusation. Le pluriel, c'est tant malou. Rien à voir avec les tamalou. Tant malou, hein. Donc, des accusations, des reproches. Et le verbe, c'est tant mal ou tant maline aussi, on trouve des fois avec une terminaison, mais en général, on dit simplement tant mal, hein, dont le participe passé est tant mal. Hein. Tant mal aux dents, on lui a reproché, on l'a accusé. Tant mal des bêtes. Hein. On peut dire tant mal aux dents ou tant mal des bêtes. Hein. Voilà. Alors, donc c'est un mot qui est très utilisé et qui a un certain nombre de dérivés. Par exemple, aime dans mal, s'accuser de quelque chose. Un aime dans mal hein, aussi, s'accuser de quelque chose. Dit dans mal, c'est innocenter quelqu'un, l'acquitter, quoi. Hein. Alors, c'est très utilisé dans les procès, hein, dans toutes les formes juridiques. Hein, quand on passe devant un tribunal, hein, le tribunal, c'est l'Esvarne. Hein, et, par exemple, on va dire dit dans mal des bêtes, hein, il a été innocenté. Alors, d'autres dérivés, dit dans mal, c'est le verbe, donc, innocenter, hein, c'est-à-dire littéralement enlever le reproche, enlever l'accusation. False tant mal, c'est calomnier. Hein. On dit aussi droug tant mal, hein, accuser à quelqu'un à tort. Tant mal à dur, hein, l'accusation, également. Voilà. Un tant mal, alors, c'est l'accusateur, hein, autrefois. À l'époque de la Révolution, il y avait l'accusateur public. Hein. Certains étaient très féroces et envoyaient les gens à la guillotine. Un temps malheur ou un temps malour. Hein. Voilà. Alors l'accusé, c'est un temps malade hein, ou bien un din temps malade. Hein. L'accusé, le prévenu. Hein. Voilà. Ken temps malade, ce sont le co-accusé, hein, ken temps malade. Et ken tant malidi, donc les co-accusés, hein, dans un procès, par exemple. Alors, scrit tant mal, c'est l'acte d'accusation. Présegen tant mal, le réquisitoire. Hein. Alors, donc c'était, là j'ai pris des exemples vraiment juridiques, hein, mais c'était très utilisé dans la vie quotidienne. Hein. Tant mal, hein, c'est accuser quelqu'un, lui faire des reproches. Alors, il y a également des expressions, par exemple, « Heur billig au tant mal d'heur pot de houarn », la galtière qui se moque du pot offert, quoi. C'est l'hôpital qui se moque voilà, de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, oui. Alors, quelques mots juridiques, justement, par rapport à ça. « Kablus », hein, « Kablus », c'est « coupable », hein. Tant mal à DB de vous de Kablus, hein, il a été accusé d'être coupable. Hein. Alors les Svarn, je l'ai déjà dit, hein, donc le tribunal. Er Barner, c'est le juge, hein, et au pluriel, Er Varnerien, les jurés, les juges, quoi. C'est aussi les membres d'un jury de façon plus souriante. Hein. Par exemple, les membres d'un jury de la musique ouais. Par exemple. Hein. C'est un peu plus souriant. Un proverbe, quand harant et avait plijadur, quand madou, tant maladur. Donc, avec l'amour, il y a de la joie, et avec les biens, il y a des tracasseries. Alors, ça, j'avais trouvé ça dans un article de Martial Ménard en 2011, qui écrivait dans West France, hein, sur les mots, justement, un peu les mots de la vie aussi, guerriers hors vue. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Thank you. Seconde partie de Hent ar Brezhoneg. Brezhoneg tamm a tamm avec toujours notre Chandik là, qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan n'en go, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantek. Dantek. De Skerblei. Oui, qui est le producteur de cidre de Zantoloc. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, je crois qu'elle venait juste de rentrer dans le pressoir et voir un peu comment ça se passait. Et là, ils sont en train de voir un peu la fabrication, quoi. Ah, Petra ve gret gant ur juk, Iwan. Lakot ve amant balouer you dir de vervin, dondera un tog waleñ hag hor ya de traou. Goudeze ve lakot ur gis kler balouer you el de beur vervin. Ah, pouezet ve ur gis ve chan amzer? Ya evel just, a peve eru ur pouez wardro mil pemzek ve lakot bavouta yo, a dou viz waler ve pres de verzan. Da biou ve gwerzet ar gist? Oh, beur psor mod ve gwerzet, dont de ratut de glas gramant, hendel ve gwerz bastalio krampus, met de ta doye vo chopinat chanik? Damp ne hen, Iwan, damp. On va reprendre, Henri, ce petit dialogue pour qui ça a été peut-être un peu trop vite. Ouais. Entre Chanik et Iwan, Chanik demande à Petra ve gret gant ar chuk, Iwan. Oui, alors Petra ve gret gant ar chuk, qu'est-ce qu'on fait du jus, hein? Voilà, de jus de pomme. La ket ve amant ba laerou dir da virvin. Ya, la ket ve amant ba louerou dir de virvin. Alors, on le met ici, hein, donc la ket ve, c'est-à-dire forme d'habitude, hein, on le met donc ici, dans des bacs, dans des cuves, hein, dans des cuves d'acier, hein, dir c'est d'acier, de virvin pour fermenter. Alors, le mot virvin c'est bouillir. Ouais. Mais en breton, pour la fermentation du cidre, on dit virvin parce que ça fait les bulles, ouais. Hein, de virvinia. Et on dit birviragiste. Hein. Donnera un toc waleng. Alors, le donnera un toc waleng, le chapeau vient à la surface. Agahor aya dan traou. Voilà. Et la lie, hein, c'est corps, hein, c'est le mot corps. Hein. Et la lie, donc, tombe au fond. Hein. Comme la merde, quoi. Ah, oui, exactement. Gorgis, c'est la lie, quoi. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Goudézé, ve kase d'argis, clair, bonne loueral, da ben virvi. Ya. A goudézé, ve kase d'argis, clair. Donc, après ça, on envoie le cidre clarifié, hein, puisque le chapeau est monté puis que la lie est tombée au fond. Banolwerel, hein, c'est ce qu'on appelle faire du soutirage, hein, donc on envoie dans une autre cuve, da beur virvin. Alors, beur, c'est finir de, ouais. Hein, de beur virvin, c'est pour finir de fermenter, pour terminer la fermentation. Ah, pouvez être véargiste, véchon amzer, demande Jean-Nic. Voilà, et on pèse le cidre de temps en temps, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on pèse avec, tu sais, c'est le pèse-cidre, hein, qui s'enfonce plus ou moins, hein, en fonction de la densité. Pour l'alcool et le sucre, hein, je crois que c'est ça, la différence entre l'alcool et le sucre. Voilà. Ya, vel juste, dit Iwan, a pavé eru ar poez, wardro mil pemzek, et vel laket ba ar voûte yo. Voilà. Et quand le poids, c'est-à-dire la densité, est arrivée autour de 1015, vel laket ba ar voûte yo, on le met en bouteille. A daouviz warler, ve prest dar verzan. Voilà. A daouviz warler, deux mois après, il est prêt à vendre, ve prest de verzan. Dabiou ve gwerzet archiste, demande Jean-Nic. Alors, à qui est vendu? Alors, est encore forme d'habitude, hein. Dabiou ve gwerzet archiste, à qui on vend le cidre? Oh, bepsor mode ve gwerzet. Voilà, de plusieurs façons, bepsor mode, hein. Dondera tut de glasnan, en main, hein. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent le chercher ici. Endel ve gwerzet de stalio krampus. Voilà, autrement, on vend à des crêperies, stalio krampus, des crêperies. Mais de Daevan au Chopinat, Chanik, proposez-moi. Voilà, mais de Daevan au Chopinat, hein, venez boire une Chopine, hein, Chanik. Don't the hand, he want, don't. Voilà, c'est un métier très riche. Hein, elle dit, on y va, quoi. Voilà, on y va. Elle est toujours d'accord. Voilà. À chaque fois, les gens de la radio, on remarque qu'ils sont quand même. Ils vont volontiers faire des expériences, goûter, tout ça. C'est pas la partie la plus difficile du métier, d'ailleurs. Non, c'est sûr. On passe maintenant à la troisième partie, c'est Petra Zolevervro dans quelques instants. Thank you. Eri, troisième partie de cette émission Hentar Brezhonek, Petra zo neve a vo. Ben, kalze draou e zo neve e veljus bouer vej di ouzan. Krogom ne diantan vel kiz a kustum gant ala bourdouar hag vu e war mez. Bon, eruom bremañ ba mis du, mis tiantan gwan evit ur gelt eut gwejel, hag bet a bremañ e bet klou a war an amzor. Tramene de gwel kalon gwan, gwel kalon gwan vel ar et gwel en olzen i ve, dernel ar a Samhain, dernel ar a Halloween, me ma meus gwel e bop et gwel evit mont ba gwan de vart. Zer a debet de maïs madouar, hein, bien e fin, klou ar war oan amzor, hag e bezer a de maïs madouar, hag gwen iz du ma meus mot, hag un aval au gist. Vin aval au gist, ma meus tran eus ket tiem avel ur blai oel, plus dur une bescorne par de neve amzer hag zuroar vo ketiem de gis blanc mevel blaioel. Voir dier yen zo be neve so, voir yer nen ve gret tos de seiz ugen glaso, ba kierien, a bop ve kalze dut, blanc me oa neptor dut, plus dur oa ke bra en amzer, glo a gavel zo bet hag moi que bras d'un dieu de monde de velayez et de monde de redegastal yoker. Quejel vigegret zé voir dierien ber war nugen de ze mis heire, pem zekte ou aler voir la rion gos. On ne babla yauzo, bremen vegret de zaden, hein, de zaden tostan, un drie zaden de ze mis heire. Hag quejel vigegret ou aler voir dire y a une vision qui tient mais voir plus je dis c'est quoi d'un doué vis du et les fines alors là la vision bah voir plus je dis au noble vi prise au hi c'est pas cher n'est ne voit que tire non voit que tire puis tu vois voir dit où en a bromen voir caresse au valère puis tu vois et bien radlan se voir caresse avec blanc meroise ou calze dix expen quoi rugen dix besoin Werungen jo, benefin. Ewa. Bon, war dachen un endro, bremen. Ster leger un eus bet ur label, Bretagne, rivière sauvage. Vit tout de pes labour zo begret, evit der an ster net, hag dour net, hag un endro mat vit ster. Ster leger, ya deus... de ze penleger tal zantou arno bet hag begleger. Hein. A zo ur sort liam tre un douar ou hag ur mor vel ar fer René Richard. Hag bon, se zo un dravad evit ur ster leger, hein, kad ur label ze mastan ze diga so tut de velet. Veja ou gontandar de ze balafenet, ba vro am ve kal ze balafenet, ba nan, Neptor Vigwegel, j'y was, mais me strach, on m'a vigwelet, Alice, balafene do fale, aziz au bras, hag balafene zo d'un dé, a balafene d'el zo d'un once. Hag ar zo imbane do leverker, ou ar balafene de dé, hag zo atlas des papillons diurnes de Bretagne. Zizo gant un imbane ur solus, hag zo kalz eus kedenu, hag bon... Oliver Kerr Hardier. Bon. La fin est zo, mais bon, et tout ce que zo y ve, vro amme, dreistol, ben discar amzer. Hag blanc me roi, so agred, en disquezad, bon, et tout ce que battre glanvus. Vi de neis, ze de gwej, war nugen. Hag ze zo, kaze, je chakal, je dut gwejel, je jek de, ben, bon, et tout ce que breiz amme, en dut de blige que ze de. Agan ou liwañ de vout an poezon net. Hag vijek zel, zez o koz deus ke kalz ur an orio evit de bonet o tous eo gant. Bon, vrezon eo gant. Deus ket am neus ket met an mesko, la de be bonet o tous eo gant. Met an dudel, la gredenn ket de di vitrog dis eo gant. Hendel, vichon boa dach en an endro, ur gevridig e si sindel oa balokarn, hag zo hon vraiment de gyan gris mouedou. De Zilojo, de Dianton Wabellar, Advijet, bati Kos Frédéric Bonhomme, Azo, Bistro, Wajel, Met Benefine, et Betprenet, Grand Tudel, Hag hein ba ti ur barouz, hag zo tal an ilis, eh non Vidon tan mam zo bop, pet put ur ma trezen vo rak trezel oa l'air. Bet zi vek gwar a vras. Bon, un tam, am de gomp zo un tam de stambo tro e endel, tro brovranz war war houarn, vejo e dram da tro brovranz e breiz, vejo de raket blam e dram da oba. A breiz hag a chombo un tam, den daouz hag a viz vwen e dram da oba vro, ba rostren, hon sa mur, a ba mur vo dram da oñon onz. Hag zezo zirakal se blija dur de tout de rezo didenet gant e varouan an ma e breiz. Hag pelzo ve e didenet un dud gant ze gant un tour de France ve la, in brezant ve la tour de France ma meus mot. Tro bro hal e, me zezo de voudo dier benefin tour de France. Hag jonj pe oan kanfard vije un dud tout un dud de ce bourg et de Chilo ou de Banosteliri. Et vu une étape, un tour de France. Il y a une étape, il y a. Bon. Guerre à Brezon, il y a. Guerre à Brezon, il y a. Hendel, Bacardi, échu et Navarre, d'un camp de Bacardi, Bacalac. Doug l'assaut à Bicrouad, au tram de Calze Arzourien, à Zézon Tolval, Vicalac, même Strock, Zéo à Brude de. Hag strolad Melroz re oa dro Narvesto zo Tapeval evel just. Bon, vikomp deus ur glad, chapel Roskelfen zo begret kalz la bourria ou chanche debe d'un doen, chapel Roskelfen zo balan iskat, gwe gel oa un ilis, ilis Roskelfen, pur oa o barouz stok deus lan iskat, me o barouz oa. Hag on e bablai au zo, zo strola da ra oa dro, hag n'en get kalze l'arbo. Jean-Kier Gris da ran skrive do lever, Jean-Kier Gris o seis la, nan seit gla a trugen, hag der a ober kalze dro. O lever ne skrive de nevesso, a zo bet neve im bannet, Hag eus oz, nan on e un bagn sans femme, oaran ket eus, peuske lenn e nan roaz men, oaran ket eus peter gont, peuske lenn e nan an? Non. Pas oaz. Bon, en del salon ze lever zo, lever eo zo bet bakarez, vi de neiz et kwech oar nugen, hag spen perugen stal oa, a blan me oa pe de tud eus bro Corsica, Jean-Guy Talamoniz o bet, Hag zo war peus klevet war RKB abadeno di war ze, peudur zo bet war RKB, tro gret gant RKB a tro gret gant Radio Arvorik, war el salon ze lever yo, a zo bekal ze dut. Da skwer zo bet tro de brezon hag Tintin Babro Amerika, gant on den yo hang Olivier Biket gavtin, an eus tro de Tintin bro Amerika. Bremañ kae tout de Tintin ou zo bet tro de brezhonek. Tro stugen bezañ zo tro de brezhonek. Bon, setu yon tamm bian deus peso neve bavro. Pe yon komz deus eo glad oaz o strolad zo bezavet ba la ruen, ouze moa la ratar deja, a zo labour ad gwan tigar. Mais de bon de se vous comme de Benevegel quand je drogue sur de l'art warzé. Bon, merci Eric. C'est une tombe de spéciaux névés. C'est normal, Morgane. Qu'est-ce que Eric?